Chapitre 4. C'était vers le milieu de janvier, en ce temps de nuages et de brouillards où les beaux jours sont si rares à Valladolid, qu'on les échomme pareillement à des fêtes publiques, chacun courant alors aux promenades, afin de revoir à son aise le bleu du ciel et ses battres soleils. Pour jouir de l'une de ces joyeuses matinées, mon frère et moi nous étions sortis en la compagnie de trois autres cavaliers de nos amis, mais l'un d'eux, voulant, avant de descendre au Prado, faire quelques tours dans la rue de sa maîtresse, comme cela ne nous allongeait guère le chemin, nous nous en fûmes tous avec lui. Or, tandis qu'il allait et venait, attendant en de grandes impatiences l'apparition de son astre moins diligent ce matin-là que celui du jour, nous autres, pour ne le point gêner, nous nous étions plantés au coin de la place San Esteban, vis-à-vis d'une fort grande maison, et là, sans qu'aucun de nous y mît, je crois, le moindre intérêt de cœur, mais plutôt par émulation ou désœuvrement, nous nous occupions à courtiser et à saillir de signes et d'œillades certains balcons du voisinage où s'étaient montrées quelques jeunes dames. Nous avions insensiblement passé plus d'une heure en ce divertissement, et nous y eussions employé peut-être le reste de la journée, si un incident bien inattendu ne nous eût interrompus dans nos galanteries. Une voiture où était une dame sortit tout à coup de la grande maison en face de laquelle nous étions postés. « Oh, la belle personne !» s'écria en même temps tous mes compagnons. « Voyez donc, Don Andrés !» Et comme je regardais à ce moment d'un côté opposé, me convient l'envie au partage de leur admiration, l'un me poussa du coude, les autres me tirèrent par mon manteau, si bien que je me retournai. Mais que ne devins-je pas, bon Dieu, lorsque dans cette femme qu'ils me montraient si indiscrètement tous ensemble, je reconnus ma belle et mystérieuse maîtresse. Elle m'avait trop bien reconnu, elle aussi. Elle devint pâle comme une morte, son éventail et son mouchoir lui tombèrent des mains, elle faillit s'évanouir. Elle se remit pourtant, et m'ayant lancé un regard à la fois glacé et flamboyant, un regard qui me perça au cœur comme une dague, elle se fit ramener par son cocher à cette maison qu'elle venait de quitter. Mon frère et nos amis admirèrent également le trouble extrême de la dame et la subite résolution qui lui avait fait changer le dessein de sa route. Ils en devisèrent longuement, s'efforçant de s'en expliquer ou d'en deviner les causes. Moi seul, hélas, j'avais trop de raisons de les comprendre et de me les attribuer. À quelles mortelles inquiétudes ne m'abandonnais-je pas d'abord? Elle aura pensé, me disais-je, que par mon ordre, malgré toutes ses défenses, on aura suivi la chaise à porteur et son écuyer et découvert ainsi sa maison. Elle se sera imaginée qu'ayant révélé à mes amis comme à mon frère le secret de notre liaison, j'aurais épié en outre avec eux ses démarches et que je les aurais amenés sur cette place pour leur montrer moi-même ma conquête et m'en glorifier lâchement. Mais, à examiner toute ma conduite, la jugeant bien si parfaitement innocente de ses trahisons, et ne doutant pas que la nouvelle colère de la comtesse ne dût céder encore devant les justifications de ma loyauté, je parvins à me calmer et me rassurer un peu. Sur ces entrefaites, comme nous étions encore, moi en mes pensées et mes amis en leurs curieuses suppositions, nous avions été rejoints par notre galant compagnon qui avait enfin entrevu sa paresseuse dame à son mirador. Il s'en était revenu vers nous, tout joyeux d'avoir obtenu d'elle un regard. Aux peintures que lui fit du carrosse et délivrées de ma maîtresse, mon frère, qui en demeurait surtout préoccupé, il l'avait aisément reconnue et nous contient quelques particularités sur elle, tandis que nous poursuivions notre chemin vers le Prado. Ayant à peine l'air d'écouter, je ne perdais pas cependant un mot de ses révélations. J'en appris ainsi sur Donna Josefa un peu plus que je n'en savais. C'était la femme d'un certain grand seigneur, comte de Vaclemoro, Titulo de Castille. Son mari, vieillard jaloux et violent, la tenait étroitement gardée en une maison ignorée, où lui seul avait accès et dont elle ne sortait jamais qu'en voiture. C'était pour cela qu'à la cour on la surnommait la belle mal mariée, la bella mal casada. Je venais de donner certes à ma maîtresse la plus haute preuve possible de mon aveugle docilité à ses ordres, en ne me mêlant pas même de questions à cet entretien où j'étais pourtant si profondément intéressé. Aussi rentrais-je de la promenade, plein de confiance dans le bon témoignage que n'aurait pas dû manquer de rendre pour moi Donna Josefa, le lutin chargé de m'observer, et j'achevais de me tranquilliser en lisant le billet suivant que je trouvais sur mon lit. « Je ne sais, mon ami, me disait Donna Josefa, si ça a été pour toi une bien grande joie de contempler un instant au grand jour, en public, le visage de celle qui en secret a tant de fois, tant de nuits appartenu tout entière à tes regards. Mais ce n'est là peut-être que le tour d'un amour excessif. tu auras eu un violent désir de me revoir, et tu n'auras pas regardé au moyen de le satisfaire. Je n'ai donc pas la force de t'en vouloir beaucoup. J'espère aussi que ceux auxquels tu as confié le secret sont, comme ton frère, des amis sûrs et incapables de nous perdre. Je ne vous pardonne cependant pas encore, Don Andrés, mais voyez l'excès de ma faiblesse. Je vous permets de venir dans 4 jours solliciter vous-même votre absolution. » La comtesse ne m'avait point demandé d'ailleurs de réponse à son billet. C'était me dire qu'il eût été imprudent et inutile d'en faire une. Il m'en coûta d'attendre ces 4 jours, sans commencer d'avance par écrit mon apologie. Aussi me furent-ils bien longs. Ils s'écoulèrent pourtant, et le soir du dernier, je me retrouvai enfin au pied de Donna Josefa. Ma grâce fut vite obtenue. À peine reçus-je quelques tendres reproches, et ne me laissant pas seulement le loisir de plaider ma défense, elle se jeta à mon cou et me ferma la bouche avec ses baisers. Puis elle voulut que nous soupassions ensemble, ce qui ne nous était pas encore arrivé. Sa joie fut plus folle et sa passion plus ardente qu'elle ne l'avait jamais été en aucun de nos rendez-vous. Jamais je ne m'étais senti si heureux, jamais je ne m'étais cru tant aimé. Comme, après notre souper, nous nous levions de table, m'ayant pris le bras, la comtesse en voulut entourer la taille, mais la large garde de mon épée se trouvant entre nous et empêchant son étreinte. « Mon beau chevalier, me dit-elle, est-ce que vous avez si peur de mes caresses qu'il vous faille contre elles cette terrible lame? Ne pourra-t-on vous embrasser cette nuit qu'armée ainsi de pied en cap ?» Et me laissant d'un air boudeur, elle s'en fut au bout de la chambre s'accouder sous le dossier d'une chaise. Moi, tout en m'excusant de mon oubli, dont j'attribuais la cause aux préoccupations de mon bonheur, j'avais cependant quitté mon manteau et mon épée, et je m'en revenais aux genoux de Donna Josefa, lorsque je fus retenu par l'observation d'un incident assez singulier. La comtesse avait un petit épagneul dont elle était fort éprise, qui l'accompagnait en tout lieu, et dormait la nuit même dans son lit. Le joli animal s'était joyeusement ébattu autour de nous durant notre souper, et depuis que j'étais debout, n'avait cessé de me suivre en la chambre, me mordant les bottines et sautant à mes éperons. Il était encore à mes talons quand je passais devant l'alcôve. Se trouvant alors près du cabinet de toilette qui était à côté, il en entr'ouvrit la porte de son museau et s'y glissa à moitié, puis, soudain, il recula grondant et aboyant et se réfugia entre mes jambes avec des signes d'un grand effroi. « Qu'est-ce cela, madame? Qui peut faire aboyer ainsi votre chien ? » dis-je, moins saisi d'inquiétude que de curiosité. « Qu'y a-t-il en ce cabinet ?» Et ayant pris un flambeau pour m'éclairer, j'y allais entrer. Mais elle, poussant un grand cri, s'élança sur moi et me retint, et la porte s'ouvrant au même moment, 3 hommes en sortirent armés jusqu'aux dents, qui fondirent sur moi avec fureur. Oh, je l'avoue, je crus bien voir luire en l'acier de leurs lames l'éclair de la foudre qui frappe. C'est une vue bien horrible que celle d'une mort aussi obscure et sans vengeance. C'est un calice bien empoisonné à boire. Oui, me voyant sans épée, j'estimais que c'en était fait de moi. Je ne perdis pas néanmoins toute ma tête. Je jetai au loin le flambeau que j'avais à la main. Puis, étreignant fortement la perfide, bien qu'elle résistât, je me fis de son corps un bouclier, la tenant devant moi et l'opposant aux pointes des 3 assassins. Ceux-ci, craignant de la percer, avaient modéré leur furie et retenaient leur coup. J'avais cependant l'œil à tout autour de moi. Le mouvement avait insensiblement changé la situation où nous étions d'abord. Mes ennemis, en leurs efforts et leur indécision, s'étaient aussi écartés de leur premier terrain. Je les avais toujours en face, mais maintenant j'avais derrière moi le cabinet d'où ils avaient fait irruption. Je m'y jetai d'un saut en arrière et enfermai la porte sur moi, après avoir lâché la comtesse qui tomba sur le parquet. Ce fut pour les braves un nouvel obstacle, car tandis qu'elles s'efforçaient de se relever, ils furent empêchés de me suivre d'abord par la crainte de la fouler aux pieds, et moi je profitai de ce retardement, ayant trouvé à tâtons, car j'étais sans lumière, les verrous intérieurs que je tirais. Tout cela s'était passé en moins d'un instant. Je sentais bien mon sang couler de plusieurs blessures que j'avais reçues dans la lutte, mais enfin j'étais debout encore. Ma poitrine, protégée par ma propre ennemie, n'avait point été atteinte. Je n'étais pas cependant hors d'affaire et je n'avais gagné qu'un court répit. M'étant recommandé à Dieu et à la Très-Sainte Vierge, je repris un peu de force, sinon d'espoir, et afin de reculer de quelques moments encore la misérable mort qui me menaçait, au milieu des ténèbres, saisissant au hasard toutes les portions d'ameublement qui me tombèrent sous la main, je les entassai contre la porte, afin de la barricader et d'arrêter ainsi les assassins. Mais bientôt, ceux-ci, impatients de sa résistance et comme renonçant à la forcer, se mirent en devoir de la briser et à cet effet l'assaillir de coups si rudes que je ne m'attendais plus qu'à la voir voler en éclats. Il fallut qu'elle fût d'un bois bien dur pour tenir aux assauts qu'ils lui donnèrent. Ils en eussent néanmoins triomphé, sans doute, s'ils s'y étaient acharnés de cette sorte d'avantage. Mais ce fut la comtesse qui leur défendit de continuer. Elle craignait, je suppose, et non sans raison, que cet effroyable bruit n'allât retentir au dehors et la trahir. Ils se retirèrent et parurent se concerter avec elle sur les moyens à prendre. Puis je les entendis se rapprocher. « Que faire, enfin ?» dit l'un d'eux. « Il faut enlever sans bruit, » dit la comtesse, « les vis de la serrure et des gonds. La porte cédera ensuite d'elle-même. » « Juste ciel !» Et celle qui dictait impitoyablement ces précautions de prudence atroce, c'était la même qui m'avait aimé. Cette voix, qui commandait de tuer, n'avait tout à l'heure que des accents ivres de volupté. Cette bouche disait contre son amant de froides paroles de meurtre, toute chaude encore de ses baisers. « Oh, femme, vous êtes bien toutes du ciel ou de l'enfer. Oh oui, en nous donnant à vous, nous nous damnons bien ou nous nous sauvons. Mais c'est en aveugle que nous nous mettons à votre merci, car au moment où nous nous jetons en vos bras, qui nous dira d'où vous venez? Qui nous dira si le démon n'est pas sous vos ailes d'ange? Qui nous dira, avant qu'il soit trop tard pour nous rejeter en arrière, si la neige de votre beauté n'est pas un piège décevant sous lequel se cache l'abîme immonde d'un cœur plein de poignards et de vipères? Oh, femme, en ces mortelles incertitudes, bien que le salut soit alors une autre damnation, bien que sans vous ce soit le néant, Dieu nous garde de votre amour. »